Chapitre 14e. Avant de retourner, comme ils en avaient l'intention, à Saint-Germain-en-Laye, nos amis se mirent en devoir d'enlever les entraves à Lichamort et à sa digne moitié. Bobineau et Mathis se chargèrent de cette besogne. Le jeune Thippeau, muni d'une bougie, pénétra dans la chambre où l'atroce vieille, blême de peur, croyant l'heure de l'expiation arrivée, suffoquait sous son bâillon. Germaine l'avait suivie, et aussi Marquisette, qui s'appuyait à son bras. La pauvre femme, brisée par toutes ses émotions, défaillait presque. Elle s'assit lourdement sur un fauteuil, en pleine lumière, pendant que Bobineau enlevait les entraves et le bâillon de la vieille ivrognesse. La mère Bachu fit une large inspiration, toussa, graillonna, s'étira pour être bien certaine qu'on lui rendait la liberté. Tout à coup, son regard, jusqu'alors hébété, se fixa sur Marquisette, appuyée contre Germaine qui la soutenait. Brusquement, elle cria comme si elle eût obéi à une impulsion irrésistible. « Marquisette ! La petite à monsieur le comte ! La première ! La mère au gosse ! Sûre qu'elle va se venger ! Malheur ! Qu'est-ce qu'elle va faire moi ?» Marquisette recula comme à la vue d'un serpent et reconnut la faiseuse d'ange malgré le temps écoulé. « La barbette » fit-elle en pâlissant. « Ben oui, c'est moi. Je suis punie. T'es la plus forte aujourd'hui. C'est mon tour à la danser. » « Oh !» gémit la pauvre femme, « que vous m'avez fait de mal. » « Eh ben, revenge-toi. J'y peux rien. On me commandait, fallait bien obéir. » « Non. Il ne s'agit pas ici de vengeance, » interrompit avec dignité Germaine. « Comme notre sécurité est en jeu, nous voulons l'assurer. Quelque grave motif que nous ayons de vous haïr, nous oublierons le mal que vous nous avez causé, si du moins vous tentez de le réparer. Vous avez toujours refusé à cette malheureuse mère de lui dire ce que vous aviez fait de ses enfants. Il faut parler aujourd'hui, ne rien lui cacher. À ce prix-là seul, vous obtiendrez le pardon que vous méritez si peu cependant. Eh ben, pourtant qu'à la Gosseline, je sais effectivement quoi est devenu. Oh ! Murmura Marquisette avec une sorte de ferveur. Je reverrai ma fille. Parlez ! Parlez, je vous en supplie, et tout sera oublié, je vous le jure. Et vous, les autres, vous promettez, fit l'ivrognesse, qu'il me sera rien fait ? Je m'y engage formellement, fit le prince Bérézov, en mon nom et au nom de tous ceux qui sont ici. Pour l'or, je vais vous dire que la petite, quand elle fut enlevée, elle fut mise en nourrice, et que notre maître, monsieur le comte, il venait de la voir de temps en temps, a devenu si gentille, en grandissant, qu'il s'a pris d'amitié pour elle, ni plus ni moins que ça aurait été son vrai père. Un homme qui est si tellement dur qu'il n'aime rien que lui-même. C'est drôle, mais c'est comme ça. Bref, il eut si tellement d'amitié pour elle qu'il la retira plus tard de nourrice. Il l'a pris près de lui, et l'éleva comme sa vraie fille. À preuve qu'il l'a reconnue. Elle habite son hôtel avec une dame de sa parenté qui est censément sa gouvernante. C'est mademoiselle Suzanne, et votre vraie fille. Je le jure sur mon salut éternel. » Un cri échappa en même temps à Marquisette et à Germaine. « Mon enfant est aux mains de ce monstre !»« C'est Suzanne ! Et je n'avais pas songé tout à l'heure dans le souterrain en lisant l'acte. Jeanne, Marie, Suzanne ! Oh, quel bonheur pour vous, madame, qui allez la voir dans quelques instants ! C'est une adorable jeune fille, jolie et bonne. Oh, d'une bonté d'ange !» La mère Bachu, dont les craintes peu à peu s'évanouissaient depuis qu'elle n'avait plus à craindre de représailles, interrompit de sa voix au massé imbibé d'alcool. « Voyez bien que tout s'arrange. Je regrette, en vérité, de pouvoir vous renseigner sur le gamin. Vrai, ce pauvre moucheron, c'était pas pour mon plaisir, allez, que je le laissais en pan sur les marches du théâtre Bobineau par une fichue nuit. » À cette révélation, inattendue, stupéfiante, Bobineau se sentit frissonner jusqu'au moelle et crut qu'il allait se trouver mal. En même temps, Michel Bérézov, Germaine, le brave Mathis, qui tous connaissant son origine, d'où il tirait son original sobriquet, poussèrent un long cri d'étonnement et de bonheur. « Il vit ! Votre enfant vit, madame !» fit Michel, en saisissant par les épaules Bobineau défaillant. « Et si jamais une mère peut être fière d'un fils, c'est vous !» Et Bobineau, sanglotant à plein cœur, les yeux voilés de larmes, les mains tremblantes, bégayait, pouvant à peine parler. L'enfant abandonné, sur les marches du théâtre de Bobineau, portait du linge marqué d'un M, d'un A, d'un C et d'une grande croix. Oui, dit Marquisette. Ma marque, Marianne Cornic. Eh bien, cet enfant que les hasards de la vie vous font retrouver aujourd'hui, c'est moi. Oui, moi, qui vous aimerais de façon à vous faire oublier ces années maudites, passées dans les larmes, le désespoir. Oh, ma mère, comme je vous aimais, comme je vous aimais déjà depuis le premier moment où je vous ai aperçue là-bas, où ma main a touché la vôtre. Mais ces choses, répétées d'un bonheur auquel, depuis si longtemps, elle n'était plus habituée, étaient trop violentes pour l'organisme de la pauvre femme. Elle étreignait doucement le jeune homme en murmurant d'une voix brisée. « Georges, mon enfant, Georges, c'est toi !» Puis elle perdait subitement connaissance. Et Bobino, affolé, ne sachant plus ce qu'il faisait ni ce qu'il disait, criait, la voyant inerte et pâle. « Ma mère ! Ma mère se meurt ! L'ai-je donc retrouvée pour la voir périr, là, devant moi ?» Grâce aux soins délicats, intelligents et dévoués de Germaine, qui resta seule près d'elle, Marquisette revient bientôt à la vie. De pareilles défaillances, d'ailleurs, ne sont jamais bien longues, car le bonheur est le meilleur des remèdes. L'heureuse mère se sentait déjà plus forte et demandait quand elle pourrait revoir sa fille. « Bientôt, n'est-ce pas, Germaine ?» dit Bobino. « Oui, le plus tôt possible. Mathis, mon ami, veuillez aller chercher la voiture et amenez-la ici. » « Oui, madame. » Un quart d'heure après, il revenait avec le landau, dans lequel prirent place, comme à l'arrivée, les quatre voyageurs. Avant de donner le signal du départ, Michel Bérézov prit dans sa poche une liasse de billets de banque, les mit sur le lit de la mère Bachu et sortit en lui disant « Vous avez réparé votre mauvaise action, et nous sommes encore vos obligés. Tenez, prenez cet argent, et qu'il puisse vous aider à vivre honnêtement. »« Merci, mon cher monsieur. Merci de tout mon cœur. En vérité, ça ne valait pas tant. À propos, tenez, encore un petit renseignement dont vous pourrez faire votre profit. Bamboche, ce mauvais gueux, savez bien, ce vicomte de contrebande, fabriqué par monsieur le comte. Oui, monsieur de Chamboué, c'est ça même. Eh bien, c'est le propre fils naturel de monsieur le comte lui-même. Quand vous le verrez, et que vous lui ça dans son panier, il en fera une de tête. Allons, adieu et merci, mon généreux monsieur. » 5 minutes après, le landau longeait la Seine et enfilait la route qui va directement au Pec. Mauguin rentrait chez lui, et affamé par cette besogne nocturne, s'attablait devant un morceau de jambon flanqué d'un pichet de vin d'Argenteuil et racontait à sa femme extasiée cette incroyable aventure dont il venait d'être témoin. Pendant ce temps, le landau marchait rondement, emportant Marquisette et son fils, la main dans la main, près de Germaine et de Michel, délicieusement ému de cet épilogue inattendu que l'aveugle destinée donnait à cette lutte engagée depuis si longtemps. Quand ils arrivèrent à Saint-Germain, il était un peu plus de 2 heures du matin. Une inquiétude bien naturelle avait tenu éveiller les hôtes de la paisible maison où depuis quelque temps les victimes de Mondieu avaient trouvé un refuge assuré. Berthe et Marie, les deux sœurs de Germaine, Suzanne, qui avait abandonné l'hôtel de la place Pereire, révoltée de la dureté de celui qu'elle croyait encore son père, Maurice, le cher aimé, qu'elle avait suivi, la gouvernante elle-même était debout, attendant le résultat de cette expédition, à laquelle tous les autres avaient pris part successivement. D'abord Germaine disparue depuis 5 ou 6 jours, puis Bobino, parti l'avant-veille, et enfin Michel Bérézov et Mathis, qui avaient donné le soir même comme un corps de réserve pour décider la victoire. Quand le landau arriva devant la grande porte, on parlementa quelques instants, puis Maurice, ayant reconnu les voix de Michel et de Bobino, fit ouvrir. « Suzanne est debout, n'est-ce pas, Maurice ?» demanda Germaine, après les premiers moments d'effusion. « Oui, Germaine, » répondit le peintre en serrant les mains qui se tendaient à la ronde. « Veuillez la prévenir que Bobino a une communication très importante à lui faire. Préparez-la également à une vive émotion, à un immense bonheur. » « Mais dites-moi du moins, victoire sur toute la ligne !» interrompit Michel Bérézov radieux. « Va, mon ami, car le temps presse. Cours près de ta fiancée. Il y a ici quelqu'un qui ne peut plus attendre. Sache seulement que l'ennemi est à terre et que nous sommes pour la première fois heureux sans contrainte. » Germaine et le prince Bérézov, soutenant par chacun un bras Marquisette brisé par ses émotions, la conduisaient dans un vaste salon, pendant que Bobino, incapable d'attendre plus longtemps, suivait Maurice qui avait à peine eu le temps d'avertir en quelques mots rapides sa fiancée. Bobino et Suzanne se trouvaient face à face en pleine lumière et spontanément se tendaient la main. Les yeux de l'ouvrier typographe rayonnaient et un bon sourire ému entr'ouvrait ses lèvres. « Mademoiselle, Suzanne, ce que j'ai à vous dire est extraordinaire, extravagant, jusqu'à l'absurde, mais si doux à mon cœur. Une famille retrouvée, la mienne, d'autres êtres à aimer, Maurice. Je n'ose pas lui apprendre la chose. Voyons, mon ami, parlez. Elle n'a pas l'air bien terrible pourtant, ma Suzanne, notre Suzanne. Oui, notre Suzanne, car elle est aussi un peu à moi. À vous? Oui, ne fût-ce qu'en qualité de sœur. Il paraît, et les épreuves sont là, que je suis votre frère. Vous? Oh, quelle joie! Voilà donc le secret de cette sympathie profonde, spontanée, pleine de tendresse que je ressentis pour vous à première vue. C'est comme moi. Vous m'avez inspiré là-bas, rue Mécha, une affection irraisonnée, avec une soif de dévouement pour vous. Mon frère, vous êtes mon frère! Je suis un simple ouvrier, j'ignore les belles phrases, mais j'ai l'âme loyale et le cœur chaud. Ma sœur, je vous aimerai, je vous aime déjà de tout mon âme, de tout mon cœur. Je vous aime déjà de toute mon âme, de tout mon cœur. Et moi, je rêvais un frère comme vous, bon, franc, généreux, joyeux aussi. Vrai, vous trouvez que je suis à peu près convenable? Êtes-vous enfant? C'est que je ne suis plus tout à fait ce que je dis, si vous saviez. Ainsi placé entre la tendresse naissante de Suzanne et la profonde amitié de Maurice Vandol, Bobino, ému jusqu'aux larmes, serrant les mains des deux fiancés, continua en tâchant d'affermir sa voix. « Ce n'est pas tout. » « Qu'y a-t-il encore et quelle bonne nouvelle allez-vous nous donner ?»« C'est qu'il y a encore de retrouver une mère, à laquelle il faudra payer un long arriéré de tendresse. Elle a tant souffert. »« Une mère ? La nôtre ? J'ai une mère, moi ?» fit la jeune fille en pâlissant à croire qu'elle allait défaillir. « Oui, un amour de mère. » « Oh oui, à rester à genoux devant elle, à l'adorer, à en devenir fou !»« Mon frère !» s'écria Suzanne dont la voix s'altéra. « Je vous en supplie, la voir ! Oh, la voir un moment, de suite ! Où est-elle ? Là !» Brusquement, la porte s'ouvrit, et Suzanne, rayonnante, s'écria, les bras tendus vers Marquisette, éperdue. « Maman ! Oh, maman !»